bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neuron. Vous êtes à l'antenne de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, je vous propose Solaris de Hongrie, Onirico d'Argentine, Carfagen et Anthony Kalugin d'Ukraine, Alex Carpani d'Italie. On aura aussi le Deep Limbic System du Mexique, Electric Orange d'Allemagne, Fractal Sextet des États-Unis. On aura de la Tunisie le groupe Krause. Ce sera suivi d'un groupe iranien, en fait, c'est un duo de frères. On aura Ahmad Cheghini et Mohamed Cheghini. Ce sera suivi du groupe suédois Rituel. Ensuite, nous aurons de la France le groupe Odd Leaf. Et on va terminer avec l'Italie et le groupe 24 Hours. Alors, pour débuter l'émission d'aujourd'hui, je vous propose deux extraits d'un album très attendu. Il s'agit du troisième volet de Marshall Chronicles du groupe hongrois Solaris. Je rappelle que cette trilogie, qui a débuté en 1984, nous arrive en CD concept double cette année. Et ça regroupe 17 chansons pour une durée totale de 81 minutes. Disons que malgré la sortie tardive de cet album, qui en fait est arrivé vers la fin de décembre, cet album est déjà classé dans le top 15 de plusieurs des palmarès des amateurs de 2024. On va poursuivre avec le groupe argentin Onirico, avec un extrait de leur premier album qui s'intitule « Between Dreams and Beliefs ». Ça, c'est paru en fin décembre 2024. Et en guise de conclusion, nous irons en Ukraine avec le très prolifique Anthony Kalugin de Carfagen et un extrait du dernier album « Constellations ». Mais auparavant, voici Solaris de Hongrie. We'll be right back. Thank you. laberinto de espejos, el eco de la razón o el grito de la pasión. ¿Quién soy yo en este laberinto de espejos, el eco de la razón o el grito de la pasión? ¿Quién soy yo en este laberinto de espejos, el eco de la razón o el grito de la pasión? ¿Quién soy yo en este laberinto de espejos, el eco de la razón o el grito de la pasión? ¿Quién soy yo en este laberinto de espejos, el eco de la razón o el grito de la pasión? ¿Quién soy yo en este laberinto de espejos, el eco de la razón o el grito de la pasión? Caress, mirrors twist truth into a dress. Two souls entangle, tightly clasp. One seeks the dome, the other gasp. Reflection slither, serpentine. Her gaze in silent war entwines. Sanity's kiss and sanity's grasp. In my heart chamber they both clasp. In my heart chamber they both clasp. Who am I in this mirrored maze? Echo of logic, your passion's blaze. Turn my head to that within me by house of mirrors. Show me. Who am I in this mirror? Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. En fin d'année 2024, on a eu un très bon album qui est sorti. Ça nous vient d'Italie. C'est Alex Carpani. Il nous propose un album concept double intitulé The Good Man. J'en ai extrait pour vous 5 courtes pièces. Et on va continuer la semaine prochaine avec d'autres extraits. Ça sera suivi du groupe mexicain Deep Limbic System avec un extrait de leur deuxième et dernier album intitulé Catharsis. Je rappelle que cet album est paru le 6 décembre 2024. Alors, on débute ça avec Alex Carpani. We'll be right back. Here comes the rat again. Ready, come to me. Ready, stay there. Ready. Ready. That's not the world. What? It's 737. It was. Like the world train. Who are you talking to? Oh, God. Don't let the world bring you. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Pour ce troisième bloc de l'émission d'aujourd'hui, je vous propose un survol géographique quand même assez inusité. On ira en Allemagne, aux États-Unis, en Tunisie et en Iran. Et on débute avec les Allemands d'Electric Orange qui nous proposent du prog psychédélique. Ça fait quand même 32 ans qu'ils jouent. Et on a en 2024 la parution d'un 16e album intitulé Ada. On reste ensuite dans le psychédélisme avec le groupe américain Fractal Sextet. Ça, c'est un groupe formé par le guitariste Stephen Tellen, qu'on connaît aussi pour sa participation au groupe Sonar de la Suisse, qui d'ailleurs est le pays d'origine de Tellen. Ensuite, on se retrouve en Tunisie avec Kraus. Ça, c'est un groupe qui nous offre un troisième album depuis 2020, quelque chose d'assez inusité. En fait, on n'a pas beaucoup de prog qui nous vient de la Tunisie, et encore moins d'Iran avec ce duo qu'on va entendre à la fin du bloc. Ce sont les deux frères Ahmad et Mahamad Chenegi qui nous offrent un rock teinté de musicalité orientale et un petit peu heavy, avec sonorité un peu métal. D'ailleurs, en ce qui concerne l'Iran, j'ai fouillé dans ma base de données et j'ai répertorié 21 groupes de rock progressif qui nous viennent d'Iran. Ça, on peut considérer ça comme homéopathique, là, si je me permets l'expression, par rapport aux 25 300 autres groupes qui peuplent la base de données. Alors, il va tout de suite avec Electric Orange d'Allemagne. We'll be right back. We'll be right back. saw a picture, it colored my mind. Pretty butterflies calling me up. They made me dream and travel through the this way, I could have told you why. If you lie and our lives will still lie in a world of fiction. If you lie and our lives will still thank you. Pour ce quatrième et dernier segment de l'émission d'aujourd'hui, nous irons en Suède avec un extrait du dernier album du groupe Ritual. Ça sera suivi du groupe français Odd Leaf de la France. Et on va terminer avec le groupe italien 24 Hours. Alors on débute ça avec Ritual. man of means. Farewell, Mr. Bogd, robber baron in the making. Now goodbye to all that's been your life. Not sure why you're leaving, nor what's waiting down the road. Goodbye, Mr. Bogd. Now lean back into the seat and hear the rumbling of the rolling wheels. Goodbye. assaggia l'acre aroma, il gusto di fallito, taglia, frammenta, ricompone il caos, frusci di galassie, un canto non mai silente, vortici di Orion, l'universo scaglia, il codice divino, stellato dal sacrilego, nel labirinto quantico, il caos si fa strada. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est le groupe italien 24 Hours avec la chanson I Creatori del Anno. Ça, c'est extrait de leur plus récent album Rubbish. Avant de vous laisser, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les jeudis de 11h à 13h. Ça, c'est toujours en direct sur les ondes de C'est fou, de FM 89.1 à Trois-Rivières. Et en plus, l'émission est disponible en podcast sur Internet à partir du site web de SoundCloud. Je vous rappelle aussi que la feuille de route de l'émission est disponible sur notre page Facebook. Et sachez qu'en plus, je diffuse une infolettre pour ceux qui le désirent, que vous pouvez obtenir à chaque semaine en m'en faisant la demande en privé. Ça, c'est toujours sur la page Facebook de l'émission. Alors, j'espère que vous avez aimé la programmation d'aujourd'hui et c'est Jimmy Farley qui vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour